Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes les paillettes? Oui. Et est-ce que tu aimes les licornes? Eh ben, j'aimais partager. Ah, ouais. Mais tu aimes Tom Cruise? Oui. I feel the need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back. And literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock. I'm a Vietnam veteran! Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, on va vous parler de Legend, c'est l'épisode 6. On parle de Legend, qui est sorti en 1985, un film de Ridley Scott où Tom Cruise incarne Jack. Alors, première question comme d'habitude, Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film et est-ce que tu as eu envie de le voir ou de le revoir ? Ben, je ne l'avais pas vu. Allez, on a 6 sur 6, on est bon. Mais par contre, j'avais trop envie de le voir. Je suis une grande fan de La Caverne de la Rose d'Or, en français, en italien, Fantaghiro. Trop bien. Et Princess Bride, c'était toute mon enfance, alors j'avais trop envie. Waouh. Et toi? Moi, je n'avais pas envie de le voir du tout. Mais je me suis dit, tu vas le voir, ça pourrait pas être pire que ce que tu t'imagines. Voilà. Voilà. Je n'en dirai pas plus. On va dire que t'attaquer. Hein. Allez, on va se faire un petit résumé. Hein. Ouais. Donc, je te laisse faire. Alors, déjà, on ne se retrouve pas au fin fond des États-Unis. Ihu. Allez, ça on change. Est dans un monde où il y a des paillettes. Comme pour beaucoup trop de paillettes. Bon. Des paillettes, des licornes, des gobelins, des fées, voilà, un monde fantastique. Des fantaisies. Des fantaisies. On retrouve la princesse Lily, une princesse, je dois dire, elle, je ne l'ai pas aimée, qui court toujours avec les bras ouverts. Ah ouais, c'est horrible. Elle n'est que dans des champs de fleurs, voilà. Il y a toujours des papillons autour d'elle, elle chante tout le temps. Elle a une robe blanche. Voilà. Et, elle est facétieuse. Elle est facétieuse, elle fait des blagues. Qui est très attirée dans ce monde par le personnage de Tom Cruise, Jack. D'ailleurs, un monde où tout le monde s'appelle Blix, Pox, Nell, Lily, blibla, Jack. Trop bizarre. Et Jack, c'est un homme, sauvage. Enfant de la forêt, je sais plus. Je crois qu'ils appellent ça un enfant de la forêt à un moment. Mais... Oui, qui parle la langue des animaux, qui lui apprend plein de choses de la nature. Et qui est tout le temps accroupi. Qui est tout le temps accroupi avec des vêtements de feuilles, des vêtements bricolés, c'est... avec les cheveux tout. Et c'est vrai, cheveux. Coiffés. C'est les cheveux les plus longs qu'il ait jamais eu sur un tournage. Il était très fier de ses cheveux. Mais c'est pas mal, moi je trouve ses cheveux. Mais bon. Ouais. Et... C'est peut-être le meilleur truc du film. Ouais, bon, donc on comprend que Jack il est amoureux de cette princesse et un jour elle lui demande de parler la langue des lapins, oui. De lui apprendre la langue des lapins parce que Jack a... Il parle cette langue et lui dit « Non, j'ai une surprise pour toi. » Il l'amène voir des licornes. « Ouh, les animaux sacrés de la forêt ouais. !» Donc, elle s'approche des licornes, elle est très intriguée. Les licornes, ils s'approchent que des êtres purs, bien innocents. Sûr, innocents. Oui, on a eu l'introduction du méchant. Tout à fait. J'ai un peu zappé cette partie. Donc, c'est tout début, ça. Et tout début, c'est... The Lord of Darkness, avec une voix trop belle, très grave, très profonde. Et en fait, c'est les méchants de tout le film qui veut tuer les dernières licornes pour plonger le monde dans une obscurité totale parce que son plus grand ennemi, c'est le soleil. Voilà. Et si tu récupères la corne des licornes, bah, tu as des super pouvoirs qu'il a déjà un peu, mais bon, voilà. Donc, il envoie ses gobelins récupérer, tuer les licornes et récupérer les cornes. Donc, On se retrouve avec Jack et Lily, ils voient la licorne. Lily, elle s'approche, elle touche la licorne. Jack, il est furieux, il se casse. Et là, les gobelins, ils sont cachés derrière... Des troncs. Des troncs, et ils tuent une des deux licornes, et ils coupent la corne, et voilà. Et là, c'est la catastrophe dans le monde, parce qu'il y a la neige qui tombe partout, alors que c'était le printemps éternel. Et Lily, elle se rend compte qu'elle a fait la plus grosse bêtise de toutes. Et voilà. Et Jack, il est désespéré, quoi. Enfin, il fait rien quand même. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc... non, mais vas-y. Lily, du coup, ils se séparent. Lily, elle voit les gobelins qui parlent, qu'ils ont la corne. Donc, elle s'est dit, je dois réparer mon erreur. Je dois sauver ce truc. Et Jack, il se retrouve avec des êtres de la forêt. Oui. Gump, c'est un espèce d'enfant elfe. Ouais, moitié elfe. Enfin, il a les oreilles pointues, quoi. Voilà. Qui est un peu le chef de la forêt. Ouais. Qu'il a des espèces de nains chelous. Des espèces de lutins. Je sais pas comment. C'est un peu. C'est des vieux, donc. Il y a des vieux lutins. Ouais, des vieux lutins. Des vieux lutins. Ouais. Screwball et Brown Tom, qui disent à Jack. Qu'est-ce que t'as fait? T'as amené une jeune toucher les licornes? C'est ta faute. Tu peux t'en sortir. On va pas te tuer, seulement si tu réponds à une devinette. Ouais, devinette toute pétée. J'adore. Bref, il répond à la devinette. Du là, coup, il peut pas le. Il devient pote. Une devinette. C'est n'importe quoi. Il décide de sauver la situation. Bon, bref. Il se retrouve dans plein de galères, des fées méchantes. Il y a une petite fée gentille qui s'appelle Una, qui c'est un truc de lumière, ouais. Un point lumineux qui les suit, qui est un peu amoureuse de Jack, j'imagine. C'est bizarre. Bon, bref, il trouve plein de sorcières, de machins, de trucs. Finalement, il se retrouve dans la maison... La taverne du méchant. Du méchant, The Lord of Darkness. Et il découvre que Lily a été capturée. Donc Jack, il veut d'autant plus la... Et la dernière licorne. Il y a Lily qui a été capturée et la dernière licorne. Parce qu'il veut tuer la dernière licorne parce que tant qu'il en reste une, c'est pas complètement darkness. Quoi. Ouais. D'ailleurs, la dernière licorne qui est en femelle... Oui. Et les gobelins, ils disent « Bon, c'est juste une femelle, elle n'a pas de pouvoir. » Et les Lords of Darkness disent « Elle a le pouvoir de procréer. » C'est horrible. C'est bon. Et du coup, voilà, Lily est capturée. Jack, il entend dire aux Lords of Darkness que son pire ennemi, c'est la lumière, c'est le soleil. Oui. Du coup... par un jeu très malin de reflets de miroirs. Avec des grandes assiettes en inox. Il essaie de mener le soleil dans ses trous souterrains. Entre-temps, Lily a été envoûtée par le Lord of Darkness. Parce que le Lord of Darkness est tombé amoureux d'elle. Oui. Et il veut que ça soit sa reine, qu'elle soit sa reine. Et Lily dit « Oui, je serai ta reine seulement si je peux tuer la dernière licorne de maman. » Il se retrouve dans cette scène fatidique où elle, habillée en noir, elle a les couteaux. Jack, il est en train de se dire « Je vais la tuer parce qu'elle va tuer la licorne. » Gump qui lui dit « Non, ne fais pas ça. Ne juge pas avec les yeux, mais juge avec les cœurs. » Et après, il lui dit tout de suite après « Tu l'as. » Gump qui ne fait rien. En plus, tout le long du film, il donne des conseils, mais il n'a jamais rien fait. Quoi. C'est une cata. En plus, il est vraiment horrible. Oui. Bon. On dira après. Et il décide de ne pas tuer Lily parce qu'elle lui fait confiance. Il plante le Lord of Darkness. Et il amène le soleil. Il plante le Lord of Darkness et il amène le soleil. Il bagarre et soleil. Le soleil, il meurt. Soleil couchant, bisous, au revoir. Lily est un peu... Elle est quand même sous l'enchantement. Je ne sais pas comment on dit l'enchantement. Mmh. Et du coup, lui, il devait retrouver une bague pour la libérer. Il la libère de l'enchantement et il sautille dans la forêt au printemps en disant bisous aux copains. Bon, on vous a spoilé les films, mais franchement, ouais. Mais c'est pas si pas mal un que film ça, qui brille par son scénario, clairement. Non. Voilà. Merci, ça me fait plaisir que tu le dises. Quoique. C'est pas... voilà. Alors, donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors... Alors, j'ai pas trouvé que c'est un super film, mais je m'attendais beaucoup pire. Il y a des trucs que je pense que si je l'avais vu gamine, j'aurais bien aimé. Genre, c'est sauvé d'être tué par une devinette. Je trouve ça assez génial. Ouais. Okay. J'aurais bien aimé ça. Les paillettes, je trouve ça pas mal. Les licornes avec la corne en plastique, oui, qui bougeotte, bouge ça, ça passe. Les gamins, je pense que gamin, ça passe. Je l'aurais pas vu. Ouais. Les Lord of Darkness, je le trouve trop stylé. Ouais. Et il a une super voix. Et en plus, c'est Tim Curry. C'est Tim Curry. Qui a fait Rocky Horror Picture Show. Voilà. Qui est quand même super sexy, un méchant diable rouge. C'est assez... Il est sexy. D'accord. Je trouve il a un truc, c'est pas que tu dis ah je veux me le taper. Je me taperais bien, diable. Il a un côté, tu vois, il joue un peu ambigu avec son truc en cuir, avec la voix grave. Après, les personnages secondaires, quoi dire. Les nains, moi je les trouve sympas. Je ne sais pas quoi dire. J'aime bien que les gobelins ils parlent en rime. Oui. Toujours en rime. J'aime bien les boules de savon, même si t'as pas aimé. Mais... les paillettes, je kiffe. Après, il y a un truc vraiment qui m'a vraiment emmerdé. Mais ah, bon. Bah ça va, s'il y en a qu'un. C'est voilà, bien. C'est pas énorme en fait. C'est clair. Ah, non, mais... bah, en fait, il y a tous les passages avec la fée. Una? La fée infecte. Ah, non, la méchante Meg McElbone. McElbone. En fait, à un moment, il se retrouve face à cette fée horrible, super oui, moche. Qui sort du marais. Qui dit à Jack qu'il veut le manger, oui. Je crois. Oui. Et Jack lui dit, non, mais tu es tellement belle et tout, machin. Et en fait, elle s'est fait avoir parce qu'elle croit au fait qu'elle soit belle. Bon. Je trouve ça. C'est des trucs mythologiques de combat contre les monstres, enfin, je sais pas. Bah, je sais pas. Essayer de faire marcher la ruse plutôt que la force. Oui, mais en utilisant la vanité. Ah, bah, ça a marché. Ouais, ça a marché, mais bon. C'est écrit par un mec, sûrement. Oh. Non, ah bon? Ok. Et après, l'autre truc un peu gênant, c'est que la princesse, elle passe tous les films, elle est horrible avec tout le monde, même avec Jack, je trouve. Et en fait, elle incarne ces mythes de gentillesse. C'est trop bizarre, quoi. Et même à un moment, elle dit... elle veut apprendre... Elle adore les animaux. Elle essaie d'apprendre tous leurs secrets. Et quand elle se retrouve face au monstre, là, au darkness, elle dit... tu me dégoûtes, tu es pire qu'un... Non, tu n'es qu'un animal. Oui. Et t'es là, mais meuf. Ah non, mais elle est toxique, cette meuf. Tu essayes depuis le début de parler aux animaux et tu dis ça, quoi. Alors qu'elle est censée représenter l'innocence. Enfin, voilà, ça, c'est un peu... Alors que dès le début, elle fait des crasses à ses voisins. Enfin, elle est faussement innocente, elle joue avec Jack, elle le fait tourner en bourrique et tout ça. Et elle joue comme une patate. Oui. C'est un peu quand même. Okay. Ouais. Bon. Bah après j'ai bien aimé la danse parce qu'à un moment elle est envoûtée. Ouais, la danse de l'enchantement. Il y a une espèce de figure masquée tout en noir qui danse et elle se fait prendre dans la danse et après elle se retrouve à être cette personne qui est plus masquée mais qui est habillée en noir dans le même costume. C'est joli. Ouais. Il y a des passages comme ça un peu. Bon, t'as détesté, d'accord. Ouais. Oui ou non, moi je trouvais que c'était vraiment tout pété. Il est tout claqué, c'est naze. C'est vraiment, j'ai passé un moment horrible. C'était de la souffrance pendant 2 heures. C'était horrible. Il y a des paillettes sur tous les plans. Ils sont dans une caverne, ils sont dans un marécage. Il y a des paillettes. Tu ne sais pas pourquoi. Il se met à neiger. Il y a des paillettes et il y a même des bulles de savon en plus. C'est omniprésent. C'est hyper fatigant. Ça te. Entre ça, le son, c'est pareil. T'as des bruitages de tout. C'est impossible, enfin c'est horrible, c'est surchargé. L'histoire, honnêtement, il y a tellement peu d'enjeux. Ils te font croire qu'on part dans un truc hyper épique. C'est une aventure. En fait, l'aventure, elle est vraiment faible, quoi. T'as très peu d'opposition. T'as la Meg dans le marais, et puis voilà. C'est compliqué, je trouve. Il se passe rien. Le personnage de Tom Cruise, il a rien de spécial. Enfin, c'est, on, ils te croient à l'amour, un... quand ouais, même. Mais c'est tout. Enfin, et ils te font le truc où il va chercher une armure, une épée et un bouclier dans une caverne. C'est même pas épique, c'est même pas difficile. Il non, le trouve, il simple. Le prend. Deux minutes après, il a tout perdu. C'est compliqué, quoi. Il y a la fée Una qui est une harceleuse. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment super dur. J'étais en souffrance tout le long. Tous les lutins, ils sont tous bêtes. Hein, c'est les lutins, ils sont idiots, ils font des bêtises. Et il y a une blague de nain qui pète. Super. Voilà. Donc c'est le max de ce qu'ils font. Qui pète. Ça a été difficile. Les licornes. Ah, les licornes. Bon, à la rigueur, mais c'est juste les licornes, t'as quand même 15 minutes de licornes qui courent au ralenti dans une rivière, c'est juste pas possible. J'avais quand même noté qu'au bout de 20 minutes, il s'était toujours rien passé, quoi. Il s'est vraiment rien passé. Mais non, mais tu plonges dans un univers. Plonges, ça va, tu peux te plonger en 5 minutes. Hein. Là, c'était. C'est tout. Oh là là, c'était souffrance, souffrance, souffrance. Beaucoup de souffrance, trop de souffrance. Trop de souffrance. Bah, je ne te conseillerais pas la caverne de la rose d'or, parce que c'est pire, je pense. Mais je ne sais pas, parce que tu vois, là, il n'y a même pas un côté kitsch ou nanar, c'est vraiment juste, il y en a trop, mais pas... Enfin, tu as trop dans le décor, dans le son, dans tout ça, et l'histoire, il n'y a rien, les personnages ne sont pas creusés. Tu vois, le Gump, au début, il apparaît, tu te dis, ah, il est marrant parce qu'il a un petit truc un peu ambigu, sauf qu'en fait, c'est un petit tyran, et c'est ça tout le long, et il n'évolue plus. C'est vrai qu'à un moment, il dit à Scribble, un des deux nains, et il dit « Ah, c'est super moche ici, je déteste. » Et il dit « Ah, ben, très bien, tu iras en premier. » Ben oui. Non, mais c'est, il évolue pas, il est tout le temps sur son truc, il fronce les sourcils. Et c'est « Oh là là, c'est... » Il est relou. On le fait passer pour les gentils, mais c'était les tyrans, Gump. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, bah après, c'est comme tous les personnages. Il n'y en a aucun qui évolue nulle part, quoi. La princesse, à la fin, c'est la même qu'au début. Jack, à la fin, c'est la même qu'au début. Ah oui, j'avais pas pensé ça. Ah, je sais pas comment. Maintenant, je pense que la princesse, à la fin, elle a changé. Tu vois, elle pensait pouvoir faire celle qu'elle voulait. Moi, je pense que la princesse, à la fin, tu lui remets une licorne, elle continue d'aller emberder les licornes, quoi. Oh, arrête. Mais si, j'avais rien. Enfin, et personne n'a rien compris dans ce film. C'est une catastrophe. Les scènes d'action sont. Le peu qu'il y a, c'est poussif. Ah non, j'ai vraiment détesté, c'est horrible. Alors que pourtant, tu vois, je m'attendais à rien du tout. Quand je me suis dit, je vais le regarder, bon, au pire, je m'attends à rien, comme ça, je serais un peu surpris. Et en fait, non, c'était nul. Oh là là, quel enfer. Bref. Ouais. Par contre, il y a super réplique aussi. Non, c'est pas une super réplique. Mais Blender, donc un des méchants au début, avec un gros casque en métal. Oui. On découvre finalement que c'est un gentil. Oui, c'est un des... C'est un des nains, un copain des nains, qui cherchait l'aventure. Ouais. Et il s'est fait jeter dans un trou par... par une momie ou un truc chelou. Un être de Lord of Darkness. Et il dit « Adios, amigos !» J'adorais. C'est le genre de truc que j'aurais adoré, gamine. Oui, mais tu vois, ça, il y en a très peu. Enfin, pourquoi tu ne mets pas plus d'humour à la rigueur, vu qu'il ne se passe rien, mais des blagues au moins, tu vois, pas juste un nain qui pète. Enfin, je sais pas. Ça m'a... Et sachant quand même que sur ce film, Ridley Scott, donc, il tourne le truc, il y a eu 3 versions du film. Donc le mec, il persiste, parce qu'il y a la version américaine, enfin il y a la première version, où les producteurs disent non, on change la musique, on met un truc pour les jeunes, puis tu raccourcis parce que c'est trop compliqué ton truc, et tu nous mets le méchant dès le début. Ah, okay. Ensuite, il y a la version européenne qui est plus ou moins proche de ce qu'il voulait, et quelques années après, pour le DVD, pour les VHS, il fait une version Director's Cut. Donc tu dis, ah là, le mec, il a raté son film, mais il lâche pas, il veut le refaire, et c'est tout aussi pourri. Je sais pas. Je sais plus trop quoi dire. On peut se faire un petit point sur les Oscars, tiens. Allez. Ah, Est-ce qu'il y a des gens, encore une fois, qui, autour de Tom Cruise, ont eu des Oscars? Oh oui. Alors, c'est qui, Paulin? Moi, j'avais noté qu'il y avait Jerry Goldsmith, donc le compositeur de la bande originale de la version européenne et du Director's Cut, pas de la version américaine. Et lui, il a eu un Oscar. Mais pas pour ce film. Ah non. Pour un autre film. pour The Omen. Ah. Et après, il y a aussi Rob Bottin, qui a été nommé pour les Oscars pour ce film, pour Legend, pour les maquillages et les effets spéciaux. Et là, par contre, ouais, là, il est trop fort. Là, Lord of Darkness, il est incroyable. En termes de maquillage et tout. Mais il a des cornes immenses, quoi. Je ne sais pas comment il peut les tenir sur sa tête. Mais c'est que j'ai bien aimé, tu vois, tous ces trucs des effets spéciaux, tu les vois. Ah oui. Il n'y a rien en post-production. Ça, c'est génial. Mais du coup, tu vois que ça parce qu'en fait, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien autour. Donc, c'est dommage. Mais c'est et ça te donne ces côtés fait maison, je sais pas. Il y a un truc que j'aime bien. Je suis sur fan effectivement les maquillages, les costumes, tout ça. Mais sauf que moment, faut quand même que le il y a autre chose que ça. Oui, oui. Donc tu fais une exposition plastique. Moi, je préfère aller visiter l'atelier de Rob Bottin que de voir ce film. Ouais. Là, c'est plus marrant. Là, c'est doit être 2 heures. Merci quoi. Voilà. Ouais. Bref. Bon. Ceci dit, est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur le film? Sur le film. À part que Gump est horrible, elle. Non, mais peut-être. Non. Non. Tu sais que en parlant de Gump, le comédien, c'était le gamin dans Le Tambour de Volker Schlöndorff, c'est pas facile à dire, le film Le Tambour, c'était le même gamin, un petit gamin allemand, et il avait 18 ans quand il a fait Legend, alors qu'on dirait qu'il a 16 ans. Ouais. On dirait qu'il a 8 ans. Oui, et ben non, il avait 18 ans. Il est fort. En tout cas, les comédiens, il est fort. Après, il est captivant. Mais ouais. Sauf qu'il fait que ça tout le long. Bref. Ouais. Et un autre petit. Allez, je te fais des anecdotes parce que, comme je dis que du mal, autant que je dise des trucs un peu marrants. C'est comment ils ont fait le son des licornes? Non. Eh ben avec des bruits de baleines. Ah. Tu vois, bon, ça, j'aime bien. Ça, c'est marrant. Voilà. C'est trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le plateau de tournage a brûlé. Mais c'était pas à cause ça, de ça, je savais. Vous savez. Je sais pas pourquoi, mais c'était parce que sur le même plateau, ils tournaient James Bond, ils tournaient l'espion qui m'aimait, je crois, et à cause il y a eu un incendie et donc en fait, ils ont dû finir le tournage sur un autre plateau. Ah ouais. Non mais les plateaux, ça doit être incroyable parce que ils avaient des ils étaient plongés dans la forêt, dans la vraie forêt à Pinewood, ouais. Avec des feux partout, de la fumée, des boules de savon. Ah oui, la fumée, c'est pareil. Il y en a partout, mais c'est trop bien. Mais moi, j'adore, tu vois, ces trucs. Oui, mais les paillettes, c'est méga kitsch, mais c'est beau qu'ils annoncent sur les visages. Tout le temps. C'est... Oh là là. Ah ouais. Pardon. Peut-être on fait un commentaire ou t'as d'autres anecdotes. J'en avais une dernière qui était assez. C'était que Shigeru Miyamoto, qui est l'inventeur de. Qu'est-il ? Qui a créé le jeu vidéo Zelda. Ah. Et ben, était inspiré par ce film. Tu vois ? Et ben, il y a enfin un truc positif dans ce film. Non, mais je pense que ça peut. Ah, mais ça a dû marquer des gens, je pense. Ben oui. Johnny Depp et Vanessa Paradis, leurs enfants, ils les ont appelés Jack et Lily. À cause de ce film. Ah, pour les films ? Oui. Ah. Ouais, voilà. Tu vois ? Mais je pense que quand t'es petit et tu vois ça, t'adores. Je sais pas. Si, je suis sûr. Ouais, bon, d'accord. Ben, ça sera... Après. Parce que t'as pas des critiques autour de ça. T'as pas trop d'attentes, ça va. Non, mais moi, j'aurais adoré. Tu vois, je me suis vue petite, j'aurais trop kiffé. Ouais, voir. Non, mais sûrement. À part que toutes les filles, elles courent avec les bras ouverts. Ouais. Ça, c'est vraiment... L'espèce de long... Les plans sur les longs couloirs bleus, là. Ouais. Toutes les deux, même la fée, à un moment. Là, mais oui, c'est trop... Bon, c'est très ça, stéréotypé, c'est vraiment... tout ça. Bon, bah du coup, on se fait un petit commentaire. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme scène ? Alors, nous avons choisi les moments où Jack, Gump et les deux Scribble et Brown Tom. Tous les nains. Non, Blender. Brown Tom, il est mort ? Non, Brown Tom, il a fait croire qu'il était mort, mais en fait, non. Ah oui, il était vivant. Parce qu'il lui avait tiré la flèche dans le cerveau et il n'a pas de cerveau, donc il n'est pas mort. Il a une bouteille de vin à la place. Bref. Et ils essaient de récupérer des énormes assiettes. En métal. Mais c'est géante. C'est genre de méga frisbee. C'est des assiettes des géants. Donc ils sont dans une cuisine, ils sont tout petits et s'élancent les énormes assiettes en fer pour pouvoir créer ce jeu de miroir qui amènera le soleil et tuer les trucs. Mais. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on y est, c'est parti. On sent déjà que ce tir-là, frisbee, ça marche pas. Il s'est pris l'assiette sur la tête. Et il tombe dans les assiettes, ça réveille. Les bruits, les géants. Les géants. Les bourreaux géants. Il lève les bras en criant. Oh non, garde, vite. Alors, on lui lance son assiette en métal au premier géant. Allez, Jack. Comme il fait salto. Premier géant, il essaie d'attaquer Blender. Qui répond en esquivant les coups. Ça fait un trou dans un tonneau et du coup Blender va le toucher avec son doigt. On sait pas pourquoi. Après il attaque Tom. Pouf. Allez, esquive. Hop. Gump il fait rien. Esquive. Et il esquive. Tom il fait tout seul. Gump prend une flèche. Enfin. Ah. Gump. Ah, l'autre géant. Alors, vas-y Gump. Les gens se tapent entre eux. Du coup. Ah les géants. Hop là. Petite rondade. Coup de pied. Saut. Coup de pied. Saut. pied. Coup de pied. Et puis ça sera un... Attention, on l'attend tous. Allez. Allez, saut. Saut. Saut. Et une esquive. Bam, un coup de poing. Deuxième coup de poing. Saut. Saut. Ah, salto arrière. Salto arrière. Et on déverse de l'eau chaude. On va faire de la vapeur partout, ça va être le bazar. Et enfin, un géant cutter. Il y a de la fumée partout, c'est... des flammes. Fumée, fumée, fumée, on voit plus rien. Il manque que des paillettes, j'ai l'impression. Il manque les paillettes et les boules de savon. Ouais. De la fumée, de la fumée à bloc. Rien. C'est pas trop. Je crois que les géants, ils sont pris l'eau bouillante. Ah oui, du coup, les deux géants sont KO. Ils font. Et là, dans la fumée, Tom. Va se cacher. Il se cache, il attend. Il a quand même fait deux saltos. Hein. Oui, oui, oui. J'ai pas réussi à savoir si c'était lui qui les avait fait ou pas. Mais si. Je pense que c'est Cascadeur, là, encore. C'est non, pas encore. Les saltos arrière, là. Tu non. crois que c'est lui? Oui. Les bon, saltos avant de 15 mètres, oui. Non. Oui, c'est comme les plongeons, c'est peut-être pas lui. Ah, les plongeons, saltos. Il est trop beau. Ouais, le saut de l'ange et tout. Ouais, il fait un super plongeon. J'avais plongeon. Vu une anecdote sur le moment du plongeon, où en fait, il a fait jouer à la place des acteurs des enfants. Parce que la cascade, elle n'était pas très grande. Et du coup, ça ne faisait pas assez massif. Donc, ils ont mis des enfants. J'adore. Ce qui fait que c'est pas con. Tu vois, mais c'est génial. C'est ça, génial. C'est un truc qui ferait Gondry. Tu oui, vois. Tout à fait. Ben grave. Oui. Bon, on est trop coup... critique. Ouais. Non, mais... je rigole. Du coup, on a Tom Cruise qui joue Jack, l'espèce d'enfant de la forêt, qui est amoureux de Lily la princesse. Qu'est-ce qu'on a un truc à dire sur lui? Moi, j'ai bien aimé, tu vois. Moi, je t'avoue que je trouve qu'il traverse ce film comme à quatre pattes. Il est tout le temps accroupi. Et rien, quoi. Il n'a pas trop d'enjeux, je sais pas. Je sais pas. Moi, je me suis dit, pour une fois, il ne joue pas les mecs qui savent tout. Il fait un peu l'héros, mais malgré lui. Ouais. Un peu les sauvageons. Après, il n'a pas beaucoup de texte. Il a pas... Je trouve qu'il y a très peu d'interactions intéressantes, en fait. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est plus bizarre, hein, c'est... la princesse qui a de... Ouais, qui est elle qui surjoue, du coup. Surjoue, mais qui lui, a des scènes. Ouais, lui, il a toujours le même genre de scène où il court, il saute. Mais c'est pas, c'est vrai. Pas évident, je trouve, pour Tom. Parce qu'est-ce qu'il a été faire dans cette galère? Dans cette galère. Ah, bah... ouais, l'argent, bon. Peut-être. je sais pas. J'espère qu'il en a eu de l'argent parce que moi je trouve qu'il s'est vraiment pas passé grand chose. Il voulait tourner avec Ridley Scott, non? Après, c'est vrai que c'est pas Ridley Scott qui fait ça, tu dis quand même. Le mec, il a fait Blade Runner, Alien, enfin, je sais pas. Ouais. Bon, après, bon, je vais pas trop critiquer Ridley Scott. Hein, bah là, on peut y aller. Hein. Non, mais l'idée était pas. C'est plus les scénarios. Mais je trouve que. Tout ce qu'il a construit autour, c'est pas mal quand même. Bah après, oui, enfin, les visuels, tout ça, c'est impressionnant. C'est une démo technique. Hein. Ça t'a fait putain de rêver, quoi. Ouais, mais après, le scénario. Et j'avais vu un truc, un extrait d'interview, où il disait qu'en gros, lui, il voulait qu'il y ait une armure magique, une licorne et une princesse, et après, on se démerdera, quoi. En gros, on voit comment t'écris ton scénario. Ah merde. Tu mets des petits papiers dans un bol, tu dis ouais. À la princesse, à la licorne, ok, ouais. Et hop. Parce que ouais. L'épée magique, au final, elle n'est pas magique, elle ne sert à rien. Mais j'ai pas trop compris l'épée. Les boucliers, oui. Oui, ben, ils s'en servent. Ils s'en servent contre la sorcière moche. À un moment, elles disent cette terrible vision pour un homme sobre. Quelle horreur. C'est horrible. Ouais. Ça reste comme ça, des phrases. Et tu sais comment ils ont fait son armure avec Tom petite, ouais. Non. Avec des capsules de bière. Ah, génial. Ah, mais c'est trop une bonne idée. Ouais. Tu devais plus avoir de thunes. Avec, ils ont tout mis l'argent dans les paillettes et dans la fumée. Putain, du coup, on n'a plus rien. Oui, on prend les bières. Trop bien. Ouais. Ah, tu vois, mais moi, j'aime bien ces côtés bric-à-brac, fait maison, j'aime bien. Non, ah, mais ça m'étouffe. Mais moi, c'est vrai que très clairement, sur ça, je trouve que c'est chouette. Mais ouais. Du coup, c'est dommage que ça serve. Enfin, ça sert à rien. Ça du coup. Ça. Ouais. Tu vois, c'est dommage. Après, il y a un autre moment où les Lord of Darkness, il veut faire asseoir la princesse sur les trônes. Oui, et Et en fait, si elle s'assoit, ce qu'on comprend, c'est qu'elle sera capturée à vie et ça sera dans les mains. Elle deviendra méchante et elle ne s'assoit pas. Mmh. Et lui, pour la faire asseoir, il lui dit « Non, mais ça m'intéresse beaucoup ton point de vue. J'ai vraiment envie de parler. J'ai vraiment envie de te connaître. » Je ne sais pas si dans les films, c'est vrai ce qu'il dit. C'est qu'il a vraiment envie de parler avec elle. Il la manipule. Ou il est en train de la manipuler. Lui, il a besoin qu'elle s'assoie parce qu'il y a la créature dans le fauteuil. Là, qui... Oui, mais tu penses qu'il ne voulait pas dire qu'il avait vraiment envie de parler avec elle? Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus parce que pendant 5 minutes, il dit « Assis-toi ». Elle fait « Non, je ne m'assois pas. Assis-toi. Non, je ne m'assois pas. Oui. Assis-toi. Non, c'est toi. Non. » Et le ni oui ni non pendant 5 minutes. Ouais. Peut-être que tu serais, dans ce monde-là, tu serais le Lord of Darkness pour tout arrêter. C'est ça, pour arrêter le truc et dire « C'est bon, on arrête les paillettes. » Non, ça va. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je sais plus quoi dire. Tu passes un petit point sur le. J'ai pas dit tiens le budget et tout ça. Ah vas-y. Ouais, pour expliquer un petit peu quand même. Il a coûté cher. Bah, d'après toi, il a coûté cher ou il a coûté pas cher? Un peu cher. Ah, les effets spéciaux. Ah, il a coûté 24,5 millions. Ah. Tu vois qu'il y a pas tant d'acteurs que ça. Ouais, c'est effets spéciaux. Très cher. Après, ils sont beaux. Non, mais ils sont trop beaux. Mais alors, est-ce qu'il a rapporté de l'argent? Eh ouais. J'espère. Alors, il en a rapporté 23,5 millions. Ah, il est à perte. Il est à perte. C'est chaud. Ah. Ouais, c'est compliqué. Là, c'est un four. Hein. Ridley Scott, après ça, ça lui fait mal. Tom Cruise, l'avantage, j'ai l'impression que c'est comme il rebondit sur Top Gun. Ça passe. Tout le monde oublie un peu. Parce qu'il a tourné en même temps. Non, il tourne Top Gun l'année d'après, je crois. Ah. Mais du coup, ça va. Et je pense que les gens du coup, qui sont fans de Legend, ça va. Et les autres, ils ne l'ont pas vu ou ils l'ont oublié, quoi. Donc pour la carrière de Tom Cruise, j'ai l'impression que c'est pas trop grave qu'il ait tourné dans ce film. En plus, moi je suis sûre qu'il y a plein de gamins américains qui ont adoré ça. Bah, Johnny Depp déjà. C'est pas les moindres. Ouais, bon, qui était pas un gamin à l'époque, mais bon. Je suis complètement perdu. Je pense que... Non, mais voilà. Toi, t'as pensé quoi de Tom? T'as pas aimé? Moi, j'étais emmerdé parce qu'il se passe rien. Son personnage est plein. Enfin, comme tout ce personnage, il bouge pas. Voilà. Le plus intéressant, ce que tu dis, c'est le Lord of Darkness. Ouais, et encore, on le voit pas beaucoup. Et c'est... Après, Tim Curry, il est super fort parce qu'il a une présence, il a un truc, le costume, le maquillage est bien. Mais c'est vrai que son personnage, il a pas beaucoup de choses à faire non plus. C'est... Oui, il est dégueulasse. Je dois dire, sur les costumes de Lord of Darkness, parce qu'il doit avoir les bas, il doit être une chèvre, oui, j'imagine. Oui, c'est et tu vois la patte qui sort du miroir. Ça se voit trop que c'est faux. Oui, c'est quelqu'un avec une fausse patte. Le bruit hyper accentué pour faire « Ah, attention, c'est un vrai bouc. » Ouais, ça, c'est voilà, vraiment ridicule. Bon, voilà. Mais c'est marrant, ça. Mais c'est drôle, mais et tout voilà, est drôle. Ben, je pense que ce que j'aurais préféré voir, c'est un making-of du film. Le making-of doit être vachement mieux que le film. Mais moi, je pense que tu l'as vu trop sérieux. Ah non, mais j'étais prêt. Ouais. Moi, je te dis, je m'attendais à rien. J'étais chakras ouverts et tout. Et en fait, ouais, d'accord. Il fallait minimum me susciter un peu d'intérêt. Et c'est pas avec des paillettes et des licornes que ça suffira. Ouais, bah du coup. Et puis un Tom beaucoup trop faible, quoi. À part les cheveux. À part les cheveux. Bon, bah, alors... du coup, c'est un petit moment du chronomètre. Ah oui. C'est l'heure du coup. Le chronomètre, c'est toujours le même principe, cette échelle de 0 à 100. On a vu le film et là, on va noter pour Tom Cruise dans le film, après le film. Notre sentiment. Notre sensation après ça, comment on le vit. C'est rien là ? Oh non. T'as peur de quoi ? Je ne sais pas. Allez. Qu'est-ce que j'avais donné la dernière fois ? Alors, 40. Tu te rappelles les deux derniers ? Tiens, alors, tu avais Risky Business, tu avais mis 20%. C'est bah plus. Oui. 42 sur All the Right Moves. Ah, okay. Lousini, tu avais mis 8. Bah oui. C'est pour l'instant ton plus bas. Et après, tu avais mis Taps. 60 sur Taps. Ouais, bah, j'avais Taps, mis Taps. T'avais bien aimé. Alors, moi, je pense déjà au moins 20%. Ok. Au moins. J'ai quelques doutes. Parce que je trouve bien qu'il ne joue pas les jeunes américains capitalistes. Finalement, il joue un être anticapitaliste. Un vert. Qui adore la nature et tu vois. Un écologiste. C'est un éco. Et en plus, il parle avec les animaux, il a des super pouvoirs, mais juste C'est pas des super pouvoirs qui ont. Il a même un renard dans ses mains. À un moment. Ah ouais, je me rappelle. Petit, quand justement Lily lui demande, apprends-moi le lapin, il est en train de caresser son renard. Ah, trop chou. Bref. Bah, non, 25. 25. Oula. Ouais, c'est haut. Mais je me dis, ça lui change du petit con capitaliste des années 80, quoi. Ouais. Franchement, ça sort du lot, là, avec Taps. Oui, oui, oui. Ben oui. Au moins, il a essayé de faire autre chose. Ouais. En plus, on le reverra dans des trucs fantasy. Je crois pas. Hein. Non. Hein. Ben, de tête, aussi. Je vois pas de. Ah, peut-être Minority Report, mais c'est pas fantasy. C'est science-fiction, il en a ouais. fait, mais fantasy ouais. comme ça, non. Il fait plus les trucs de gobelins et tout. Ouais. Alors, je dirais même. J'ai dit quoi 26 25. 25. Je dirais 30. Ouh là là, on passe la barre des 30, c'est folie. C'est juste pour t'emmerder. Oh, mais ça ne m'emmerde pas du tout. Ah, pas du tout. Tu donnes combien alors? Alors. On ne peut pas donner zéro, parce que ce n'est pas gentil. Il y a des gens qui ont travaillé, etc. Oh, tu es prêt à donner... J'ai réfléchi, je me suis dit, je vais donner 1% hein de la forme. Puis je me suis dit, attention, peut-être qu'il y aura pire. Ah oui. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il y ait pire. Si. Donc je vais mettre 2%. Comme ça, j'ai une petite marge. 2% ouais, sérieux 2%. Et oui, parce que pour sa carrière, ça ne sert à rien. Son jeu, il ne sert à rien. Le film, il ne sert à rien. C'est un beat commercial. Et puis en plus, je n'ai pas aimé. Donc, je mets 2%. Voilà. Wow. C'est un choix. Là, c'est politique. Hein, tu vois, c'est, ouais, ouais, je vois. Voilà. C'est pas contre les paillettes, tout ça. Oui. Hein. Tu vois, on aurait noté le maquillage. Que ça serait remonté. Mais là, c'est que Tom Cruise et son héritage. Donc, moi, je mets 2%. D'accord. Et alors, les Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes, 38%. Ah. C'est faible. Oui, c'est faible, mais c'est pas 2%. Non, c'est pas 2%. Et les notes sur Allociné, c'est 3,2 sur 5. C'est plutôt pas mal. Ben ouais. Plus parce que All the Light Moves. Ah oui, oui. Après, je pense qu'il y a plus de gens qui l'ont vu déjà. Oui. Et c'est le genre de truc, c'est ce que tu disais, quand tu l'as vu gamin, c'est un truc, c'est un film doudou, et voilà, il faut pas le voir plus tard. Quoi. Enfin, clairement, je ne recommande pas aux gens de le adulte. Voir tard. Hein. Moi enfin, après, Non, je rigole. Ben, moi, je ne le recommanderais pas aux enfants parce que maintenant, tu te dis, ça donne quand même une vision ouais, de la femme. Ah oui. C'est pas... Moi, je recommanderais une pote qui est très, très fan de paillettes. Ah, ben, vraiment, passe sa vie à mettre des paillettes voilà. partout en soirée ouais. et tout ça. Je pense qu'elle pourrait regarder ça et ça lui ferait plaisir. En tout cas, vélocité, vitesse doublée. Oui, voilà. Mais c'est vraiment dans toutes les scènes. Bref. Oh là là. Bref. Alors, je crois qu'on a fait un petit tour plutôt ouais. pas mal, quoi. Ouais, t'as quelques recommandations, toi ? Oui, j'ai une recommandation, c'est vrai. Oh, je l'ai noté. Attends, faut que je alors, vas-y, dis-moi la tienne en attendant que je retrouve. Alors, ça y est. J'ai beaucoup hésité à conseiller La Caverne. Ah, de oui. la Moi, j'ai envie de la regarder, du coup. Il y a 5 films. Hein. Tiens, c'est un téléfilm. C'est 5 5 longues. Faut tous les regarder ? Bah oui. Ah, merde. Mais après, tout détestait. Mais par contre, Fatagiro et la coupe des cheveux que j'ai eue pendant longtemps à l'agent d'Arc. Yes. C'est ma plus grande inspiration. Bon, bah. Ah, mais je regarderai alors ça. Mais c'est pas ça que je veux conseiller parce que je pense que tu vas détester. Moi, je veux conseiller une série qui s'appelle Gravity Falls. Oui. Tu vois, c'est un dessin animé pour les gamins, en fait, ouais. mais pour les adultes aussi, qui raconte l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur. Qui se retrouvent dans les vacances d'été chez les grands-oncles bourrus. Et en fait, il y a plein de mystères dans la forêt. Et il y a un super épisode avec les licornes. Ah, yes. Il m'a fait trop penser à ça. En fait, les licornes, c'est des pétasses. Quoi. Et c'est trop bien. Ça fait trop du bien. Et ces deux saisons, c'est pas très long. Et c'est génial. Ah bah, mais super. Super. Bah, très, ouais. très, très belle série. J'adorais. Trop bien. Voilà. Et toi ? Et moi, je voulais recommander un jeu vidéo dans un univers comme ça. Ça s'appelle Littlewood. Et en fait, c'est un jeu vidéo où tu fais rien de spécial. C'est après, il y a eu un méchant genre Lord of Darkness. Et tu as sauvé le monde, sauf que tu es devenu amnésique. Et ça démarre à ce moment-là. Tu te réveilles au milieu de ton village. Et là, il y a tous tes voisins qui viennent te dire « Ah, aide-nous à reconstruire le village. » Et tu fais juste ça. Donc, tu construis des maisons. Tu vas planter des patates. Le lendemain, tu récupères tes patates. Tu vas, t'as ton voisin qui te dit, aide-moi à déménager. Tu vas l'aider, et tu fais que ça. Ça il se passe rien, ça sert pas à grand chose. Mais à la rigueur, tu vois, c'est comme ce film, il se passe rien. Mais au moins, je passe un bon moment, petite musique sympathique, etc. Donc voilà, je préfère 100 fois faire ça, tant que tu vois. Que, ouais. Voilà. D'accord. Pour changer un petit peu genre de recommandation. Zelda à la rigueur. Mais... Ah oui, Zelda, c'est vrai. Oui, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Zelda. Ah. Bref. Voilà. Ok, Littlewood. Ouais, Littlewood, c'est mignon. Ok, ok. Ça prend pas longtemps. Voilà. Dans deux semaines, on se retrouve pour parler, et là, attention, ça va envoyer du lourd, on va parler de Top Gun. Oh oui. De Tony Scott, le frère de Ridley Scott. Du coup, on passe d'un Scott ah, à l'autre. Ah, c'est vrai. Et, si tout va bien, on croise les doigts, on a normalement une invitée. Une invitée spéciale. Une invitée spéciale, spéciale et spécialiste, on espère. Spécialiste. Et si voilà. Si vous voulez le voir. Oui, vous avez le temps de le regarder. De toute façon, on va vous le gâcher. Si vous n'avez pas envie de le voir, bah, tant mieux, vous écoutez. Voilà, ouais. Spoiler, vous le savez. Si vous avez envie de le voir, c'est maintenant. Et c'est vrai que oui, on spoil maintenant allègrement. Quoi. On ne se réserve plus rien. Okay. Bah, sur les films qu'on sent que personne ne va voir et qu'on ne conseillerait pas. Oui. Tu peux spoiler. Oui, et au pire, les gens le voient suffisamment à l'avance pour le voir avant. Il y a tellement de films à voir. Je crois que c'est des trucs mieux à voir que typiquement Legend. Bref. Du coup, ben, on vous remercie d'écouter. Si vous voulez nous suivre, vous abonner, vous allez sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, podcast machin, tous les podcasts. Vous cherchez Cruise Control, il y a une petite vignette rose avec une image de Tom Cruise, vous vous abonnez, etc. Vous mettez des petites notes pour dire que c'était cool ou que c'était pas cool. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram, c'est @cruiseometer, donc cruise au metteur, tout simplement, tout attaché. Parfait. Vous nous parlez, vous envoyez des petits messages, vous dites c'est cool, on adore ce que vous faites. On déteste. On déteste Legend aussi. Moi j'aime bien les paillettes. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi aller sur les sites internet, c'est cruisecontrol.card.co, donc card avec deux R. Et puis voilà, qu'est-ce que on a d'autres choses à se dire ou pas, non, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, des petits mails, pour savoir savoir comment ça va, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on bouge des trucs. Nous, on avance petit à petit, hein, on essaie de s'améliorer de jour après jour, et puis c'est voilà. C'est pas tous les jours évident. Voilà, on fait un peu comme on peut, on démarre. Puis voilà. Mais si vous avez pas aimé, il y a tellement d'autres choses à faire, donc abandonnez et revenez dans les années 90. 90. Ou 2010. Ouais, prenez un peu de marge. Revenez pour le prochain Mission Impossible. Normalement, on devrait arriver. Attends. Allez, du coup, on vous laisse avec la musique. Alors, c'est pas la musique de la version Director's Cut, c'est la musique de la version américaine de Tangerine Dream. Que personne n'a jamais écouté. Si, les Américains, du coup, oui. À l'époque. Voilà. Bon, allez, à la prochaine. Adios, amigos. Des bisous.